Origin and Ragamuffin, pour tous les sisters, tous les brethren, dans les big up and Panama Center, tous les scarlats, tous les cartes et toutes les cités, les road boys fermés, dans Udis. Respect on die, respect on die, die. Who they coming through to time, when they say respect on die, when they respect on die, die. So come and touch me love on die, when they say respect on die, when they respect on die. Who they coming to drink time, when they say respect on die, when they say respect on die, die. So come and touch me, well, well. Millions suck and turn on this, not millions. Take a pen, that's blood, fill a debt. Poker, cause I'm looking on half on some bet. Femme moi c'est une sec. J'essaie de rester plus sec que tout le monde m'accepte. Mais c'est plein de temps plein de sa fonga son essai. Crâne d'un fake. Long respect on die. Respect on die. Tout est correct tout du time. Mon ami c'est respect on die. Mon ami respect on die, die. Sans correct tout je mets la pangaille. Mon ami c'est respect on die. Respect on die. Tout est correct tout du time. Mon ami c'est respect on die. C'est respect on die, die. Sans convaincre tout, je mets la pagaille. Faire opposition au pouvoir. Cracher des flammes, tel un dragon pour la gloire. Aiguiser mes lames, mon blason qui fout de gloire. Même quand t'es sur un âne, ça m'empêche pas d'y croire. Ramène ton âne, tu me fais croire à barbare. Respecte tout calme, il n'est jamais trop tard. Souviens-toi du Vietnam, les soldats font des cauchemars. Je te taille comme au Siam, on boxe les tocans. Mais c'est respect on die. Respect on die. Put the correct to you time. But I miss a respect on die. But I respect on die, die. So come and touch me love on die. Miss a respect on die. Respect on die. Put the correct to you time. But I miss a respect on die. But I respect on die. So come and touch me love on die. Minister my country of all as the chance can. Y'a des pays qui qui se perdent et des crânes qui se fondent. Y'a des groupes qui se rebellent, les autres se défendent. Beaucoup de gens mentent et font semblant de ne pas entendre. Pour pas que je descende en tournant mes ennemis m'attendent. Ma technique est lente mais elle n'est pas à vendre. J'm'engage dans le combat pour m'arrêter pour me pendre. Je n'ai pas prêt d'arriver car j'suis pas prêt de me rendre. Respect on die, respect on die, die. Tout est correct tout du time. Mon ami c'est respect on die. Mon ami respect on die, die. Sans correct tout j'mets la pangaille. Mais c'est respect on die. Respect on die. Tout est correct tout du time. Mon ami c'est respect on die. Mon ami respect on die. Sans correct son boy. Respect on die. Da da da da da da da. Respect on die. Put the correct to you time, but I miss a respect on die, but I respect on die, die.